c'est fou comme un ballet. 89. C'est fou de la scène émergente. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis, Sébastien Duluth nous présente quelques sorties culturelles alternatives et dans la chronique technologique CNX, on parle de bricolage. Assemblage requis commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, c'est l'émission du retour en pièces détachées. Mon nom est Mathieu Plante. Encore une fois, aujourd'hui, je suis seul, mais par contre, si les choses vont bien et s'il n'est pas... il devrait pas être pris dans la tempête parce qu'il est couché sur le dos, pauvre Kiwan, avec son entorse lombaire. Ah, mais il va nous parler par téléphone tout à l'heure si tout va bien. Dans l'émission d'aujourd'hui, on va recevoir, comme tous les mercredis, Sébastien Duluth qui va nous présenter quelques sorties culturelles alternatives, des choses qui sortent des sentiers battus. Dans la chronique technologique CNX, je l'ai dit, on va parler de bricolage. Pourquoi de bricolage? Ben parce que ça me tentait d'amener quelque chose de nouveau dans CNX. Une fois de temps en temps, j'ai acheté une chronique dans la roulette chanceuse de sujets pour CNX. Aujourd'hui, on va parler de modifications de consoles, d'ordinateurs, des gens qui ont inséré des trucs où ils devraient peut-être pas. Hein? Les ordinateurs avec peut-être, je sais pas moi, un aquarium dedans, ça peut être n'importe quoi. Donc la chronique bricolage, c'est tout à l'heure dans CNX. Tout ça en plus de musique et de plein de choses diversifiées, de trucs culturels et d'autres. C'est très précis comme autre, mais bon. C'est un etc. Un ETC. Bon. On commence l'émission avec la musique de Vanessa Parietter. Vous les connaissez, vous les aimez. Nous, on les connaît, on les aime. Pourquoi? Parce que c'est eux qui font notre chanson thème, entre autres. Donc voilà, c'est de là que vous les reconnaissez musicalement. On les écoute avec leur chanson thème à eux. Voici Vanessa Parietter et la pièce Vanessa Parietter sur les ondes d'Assemblage requis au 89.1 FM. C'est fou. Assemblage requis jusqu'à 17h. Psychédélique de Flat, Assemblage requis, c'était précédé d'Ariel et Méfie-toi, Méfisto. On débutait avec Vanessa Parietta et leur pièce Vanessa Parietta. Les deux dernières sont dans le palmarès francophone en ce moment même, oui. C'est bien l'émission du retour en pièces détachées que vous écoutez, ça s'appelle Assemblage requis. Dans quelques minutes à peine, on va parler à Kiwan, mon célèbre co-animateur qui est sur le dos, on le répète encore une fois. Mais avant ça, une pièce que je lui dédie une fois de temps en temps comme ça, c'est pas mal la seule que j'ai trouvé qui va vraiment bien avec sa situation. Écoutez les paroles et puis vous m'en reparlez. Voici Richesse de la fleur de Shampoing. Tout de suite sur les ondes de C'est fou 89 FM. Richesse de la flore sur les ondes de C'est fou 89.1 FM, à l'émission Assemblage requis avec Mathieu Plante et Kiwan qui est au bout du fil, qui co-anime normalement avec moi, mais est-ce que ça vaut encore la peine de le répéter? T'es sur le dos, toi? Salut Mathieu. Salut Kiwan. Ben oui, je suis sur le dos, là, pas physiquement présentement, je te dirais, mais oui, en général, ces temps-ci, on pourrait décrire ma position comme étant sur le dos. Est-ce que tu veux remettre nos auditeurs à jour pour ceux qui n'auraient pas écouté hier? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben oui, je suis en arrêt de travail présentement pour une petite blessure au dos. Donc, je peux pas vraiment sortir de chez moi. En tout cas, ça m'arrive quand même là, de faire des petits tours quand même pour subvenir à mes besoins. Il faut que je sorte, là. Mais sinon, non, je suis assez tranquille ces temps-ci. Et aussi, Mathieu, avant qu'on l'oublie, là, je voudrais vraiment te remercier sincèrement pour la dédicace que tu as fait avant la pièce qu'on vient d'entendre. Ça fait plaisir. T'as aimé l'histoire autour de ça? Ah oui, toujours, toujours. Je me retrouve toujours. Moi, quand on me dédie une pièce qui parle d'envie de chier, là, vraiment, je me retrouve là-dedans. Tu es pas allé avec la subtilité dans ça, hein, toi, ça... Non, ben là, écoute, la pièce n'est pas très subtile. Non, ben non, c'est une pièce qui est vraiment dans ta face, elle aussi. Là, ça parle de comment s'essuyer, c'est des choses importantes dans la vie. Ben oui, avec la richesse de la forme. Mais personnellement, je préfère une paire de bas. Mais bon, on s'étendra pas sur les sujets du camping. S'il te plaît. Étends-toi sur ton lit à la place pour nous parler un peu. Parfait. Hey, c'est le fun. Vous avez pas annulé l'émission à cause de la tempête. On dirait que tout le monde a arrêté de vivre aujourd'hui. Ah ouais, tant que ça. J'ai même pas regardé dehors, je pense, depuis le début de la journée. J'espère que t'as mis ton pneu d'hiver, toi, Mathieu. Mon pneu est 4 saisons, tu sauras. Ah, t'as un pneu 4 saisons, c'est parfait. Ouais. Donc, Kiwan, trêve de très drôle plaisanterie, ma foi. Ma foi. Tu veux nous parler de Malajub, parce que Malajub va sortir un nouveau maxi. Ouais, ben c'est comme pas mal la nouvelle du jour, là. Tout le monde parle de ça depuis ce matin, parce que c'est ça, Malajub sort un nouveau EP, en fait, qui est simplement disponible, si on parle du format physique, là, simplement disponible en format vinyle. C'est une édition limitée, c'est une pièce de collection, donc, et puis j'imagine qu'étant donné qu'il est en vente depuis aujourd'hui et qu'il y a seulement 300 exemplaires, ça se pourrait qu'il en reste plus énormément à l'heure où on se parle présentement. Mais bon, c'est un EP qui s'appelle Control. C'est 4 pièces, donc un vinyle. Vous pouvez vous acheter ça sur les internets là, tout de suite. Ça coûte 20$, mais vous pourrez aussi, là, pour ceux qui n'ont pas de table tournante ou qui n'auront pas le temps de l'acheter dans les prochaines heures, vous pourrez aussi là, l'acheter en format numérique. C'est sûr, ça coûte seulement 2$ pour acheter les 4 pièces en format numérique. Wow! Voilà, puis il y a déjà une pièce de cet album-là qui est disponible. En fait, qui est disponible, qui est sur le streamer du site de Malajub. Et si tu veux, on peut l'écouter tout de suite et puis on se rejasera après ça. Ben avec grand plaisir. Faisons ça. fin, ça fait vraiment comme si Malajub s'était mis à jouer du country un peu. Hein? Un petit peu, mais c'est pas super quand même. Non, j'adore ça. Ça sonne très, très Malajub. Là, c'est vraiment dans mes cordes et dans ben les cordes oui. des fans de Malajub, je pense. Donc, si vous voulez l'acheter ou la télécharger, bref, vous allez au music.malajub.com ou sinon, le lien, j'imagine, va se retrouver sur le assemblagerequis.com. Mais évidemment, évidemment. Donc, ça, c'était Kiwan en ligne, en direct de... Comment est-ce qu'on pourrait bien dire ça? En direct de sa maison, son appartement? Ouais, c'est ça. De mes appartements. Ah, d'accord, oui, tes appartements. C'est bon. Tes chambres, tes pièces. On va appeler ça le Studio B. Ah, Studio B, c'est chez Kiwan, finalement. On aime ça. C'est cool. On te retrouve quoi demain? Parce que demain, tu seras sûrement encore pas à l'émission. Ouais, c'est ça. Ben, peut-être que je vais voir ça là. Peut-être que je pourrais coordonner ma petite sortie du jour demain, peut-être avec une petite visite en studio. Je vais vérifier si c'est possible du côté de mon médecin. Ah ouais, faut que tu demandes permission. Non, quand même, là, je prends du mieux. Donc, ça se pourrait que j'aille vous faire une petite visite, un petit coucou demain dans l'émission. Bon, mais prends soin de tes fesses. Oui, je vais prendre soin de ma fesse gauche, ah. Parce que c'est vraiment elle la plus éplorée. OK, bon ben, j'ai pitié de ta fesse gauche et ta fesse droite, je lui fais un high five, non. Un bec en pincette, non? Oui, c'est ce que j'ai, ben oui, tu m'enlèves les mots de la bouche. Ouais. Merci, Kiwan. Merci à toi, je vais écouter avec beaucoup d'attention ta chronique bricolage. T'es fin! On va faire ça tout à l'heure, mais avant ça, voici We Are Wolves et Paloma. Bye! Bye, Kiwan! Looking at the clouds.

C'était la pièce City, c'est un classique des Palmarès, en tout cas, petite étoile pour ses fous, classique pour ses fous. C'est la fin de la première heure d'Assemblage Requis, on se retrouve dans la deuxième heure tout à l'heure, il va y avoir Sébastien Dulude et sa chronique sur les sorties culturelles alternatives, et on va se passer encore un petit peu de musique, hein, parce que c'est de même, on aime ça, nous autres, la musique. Restez là, c'est l'Assemblage Requis, hein, c'est quoi cette voix-là, je sais pas. Bonjour, c'est la deuxième heure d'Assemblage Requis, vigilance auditive nécessaire, plan inclus, je m'appelle Mathieu Plante, et comme vous le savez peut-être pas, ou que vous le savez, ou je vous renseigne, ou peu importe, Kiwan n'est pas là aujourd'hui, il sera pas là pour un bout, parce que il est sur le dos, le pauvre! Hein, c'est vrai, je vais le dire mille fois s'il faut, mais le gars a une entorse lombaire. Pauvre chouette! Moi, en tout cas, j'ai pitié de lui. J'aimerais pas ça, me pouvoir absolument rien faire et rester sur la télé toute la journée, à la maison. Garder pas tough, Mathieu. Les feux de l'amour, tu sais. Ça me manque, ça. Fais-moi pas penser que je suis en train de manquer des feux de l'amour. Est-ce que tu l'enregistres à la maison? T'as ton magnétoscope là, qui enregistre les deux heures de téléroman à TVA tous les jours. Oui, et j'écoute ça le samedi. Ça, il y a le TVHA avec Louis-José Mondou. Non, charrie pas, par exemple. T'écoutes pas Louis-José Mondou? Il est tellement fine. Bon, non, mais off, Louis-José, tu sais. Faudrait qu'elle pense à prendre sa retraite. Elle accepterait n'importe quel projet. On lui offre n'importe quoi, puis elle l'accepte. Là, elle va animer à Prise 2. Tu connais la chaîne Prise 2? Ouais. Elle va animer le ciné cadeau, là, mais tu sais, dans le temps, il y avait une émission là, à TQS, quelque chose du genre, qui montrait un film, puis tu pouvais gagner des prix. Là. OK. Ça revient à Prise 2. Ouais, avec Louis-José Mondou, elle accepte n'importe quoi. Ben, au moins, ça va être à Prise 2, Mathieu. Là. Ça sera pas dans les grands réseaux. Ouais. Écoutes-tu Prise 2? Non. Ouais, moi non plus. C'est ça. Je sais pas s'il y a grand gens qui écoutent ça. T'sais. Alors, si la tendance se maintient et on reflète la société québécoise, il n'y a pas un chat qui écoute Prise 2. Bon. Hey, je m'entends mal, OK. Si nous autres, on n'écoute pas Prise 2, c'est que personne n'écoute Prise 2, finalement. C'est un peu. C'est ben là, on est deux, fait que, t'sais, ça part mal pour Prise 2. T'sais. Non, tu sais, il y a des bonnes émissions. Je veux dire, ils jouent des prises des pots de bananes puis des chambres en ville. Toi, c'est pas cela, Prise 2. C'est quand même quelque chose, mais j'avoue que c'est très, très niche comme marché. Il faut vraiment aimer les vieilles émissions de télévision à TVA. T'sais. Là, tu m'amènes sur des genres de terrain où est-ce que je suis obligé de me prononcer. Bonjour, Mathieu Plante. Bonjour, Marc Perrière de la pilule du lendemain, lundi au jeudi 7h à 9h sur les ondes de CFU 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. T'es trop marketing. Beaucoup trop. Hein. Je t'engage. François-Olivier Marchand, t'es congédié. C'est Mathieu qui va prendre ta place. Ben oui. Ça va bien, Mathieu? Oui, ça va très bien. Kiwan n'est pas là, donc tu viens prendre sa place un petit peu. Là, tu t'intègres. Ouais, je suis une espèce de Kiwan, mais pas de barbe, puis le dos super en forme. Mais t'as aussi une tuque, donc au moins t'as comme... Ben là, Mathieu, tu vas à température. Ben oui, mais Kiwan a une tuque pas mal à l'année longue. C'est son style. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Tu me fais penser à ça. Mm-hmm. Salut, Kiwan. Prends rétablissement. Ben absolument. À la fin de l'émission, on va aller te faire un petit massage à l'huile chaude. Ouais, ben c'est ce qu'on fait tous les jours, finalement. Même quand il est en studio, on se fait des intermassages. C'est calme. Ouais, non, j'embarque pas. Pas obligé d'embarquer dans tout ce que je dis. Alors, prends rétablissement. Voilà. Ça fait mal. As-tu déjà eu une entorse lombaire, Mathieu? Non, et ça doit faire mal. Ouais, j'ai eu ça une fois, là, puis regarde, je m'en rappelle le restant de mes jours. C'est ça, j'ai des petits problèmes de dos et autres, puis je me dis, je suis quand même chanceux d'avoir juste des petits problèmes ou d'avoir une entorse lombaire. Ah, en tout cas. Ben là, tu sais. Pas en forme, Kiwan, qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Travaille fort, le gars. Ouais. On parlera pas de sa vie privée, parce que là, il y a des limites qu'il faut pas dépasser. Ben non. Alors, Mathieu, je vais faire une Miss Météo de mon moi-même. OK. J'arrive de mon vivant. Je vais te faire un reportage. Est-ce que tu veux que je parte d'hélicoptère? Non. Arrête, tu vas donner des idées aux gens, puis ils vont vouloir que j'ajoute un hélicoptère à la station. Ça n'a pas de bon sens. Ouais, à un moment donné, il ne faut pas s'emporter des demandes spéciales. Là, un hélicoptère, wow! Écoute. Une chaloupe, peut-être. Si la tendance se maintient, Mathieu, ouais. Il va y avoir de la neige en Moses. Ah oui? Combien de centimètres, tu penses? Ben, je sais pas, ils annonçaient entre 20 et 30. Tu sais qu'ils prennent pas de chance, hein, les réseaux? Non. Écoute, entre 1 et 14 millions de centimètres. Ouais, ben regarde, tu écoutes les chaînes généralistes, exemple, à la télévision, puis à Radio-Canada, ils disent 20 centimètres. À TVA, ils disent 30 centimètres. Puis à TQS, ben ils disent entre 20 et 30 centimètres. Fait que si on fait la moyenne, ils devraient tomber 25 centimètres. Ouais. Non, mais sérieusement... Moi, j'aimerais dire aux gens qui sont à la maison, si c'est pas une nécessité de vous déplacer, restez à la maison. Vous allez causer des accidents si vous sortez. Oui, mais vous prenez des chances pour rien. Oui. Absolument, parce que les conditions sont vraiment pas très belles. Il vente fort, puis il y a une neige fort. Puis, tu sais, quand on est ici sur le campus de l'université, puis on a de la misère à voir le prochain pavillon, là, t'imagines un peu ce que ça doit être sur l'autoroute 40 en direction de Montréal ou en direction de Québec, là. Fait que c'est pas nécessaire, là. Rester dans la maison. Je pense que les gens, tu sais, avaient jusqu'au 15 décembre pour changer leur pneu d'hiver. Pas tout le monde qui a fait ça, hein. Pas tout le monde. Je nommerai pas de nom à un certain gérant de la chasse-galerie qui cherchait un garage après-midi pour faire installer des pneus d'hiver. C'est un peu tard, là. Hein? Je sais bien. Mais tu sais, on a tous des obligations. Ben oui. C'est pas tout le temps évident de trouver du temps. Sauf que quand on se fait prendre au dépourvu, là, les gens qui ont pas de pneus d'hiver, là, c'est pas juste un conseil, c'est un ordre que je vous donne. prenez pas votre voiture, ça n'a pas de sens. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux, Mathieu? Super le fun. Moi, j'ai été énervé toute la journée. Rentre qui neige. Hey, je parle n'importe quoi. Mathieu! Moi, je suis juste content que ce soit commencé pour que ça puisse finir, cette tempête-là. T'sais. Non? Ben, moi, je suis content parce que on n'était pas dans l'ambiance des fêtes. C'est vrai. De un, puis... je suis pas très, très pro-économie, mais quand même, il y a des gens qui travaillent puis qui dépendent des conditions climatiques l'hiver. Exemple, les centres de ski. Mm-hmm. Les vacances des fêtes s'en viennent. Imagine-tu s'il n'y avait pas eu de neige, Mathieu? Ou pas eu de froid? Fait que, tu sais, puis moi aussi, tu sais, je vais aimer ça dans mes deux semaines de vacances et peut-être avoir la possibilité d'aller faire une journée de ski, aller patiner à l'extérieur. Puis on s'entend-tu que Noël, pas de neige, là? C'est ordinaire. Ouais. Parlant de Noël, je peux-tu plugger quelque chose? Plug, vas-y. On va faire une émission spéciale. On inclut exclusivement la personne qui parle. La veille de Noël. OK. Je vais être en onde de 20h le 24 jusqu'à 2h du matin. Oh. Donc, pour accompagner, peut-être... Moi, je suis convaincu, Mathieu, qu'il y a des gens qui... Écoute, c'est pas, qu'ils font pitié, c'est ci, puis c'est ça, mais il y a des gens que ça ne donnera pas d'aller dans la famille, c'est ci, puis c'est ça. Puis on va se retrouver peut-être tout seul ou en couple, puis on ne saura pas trop tu sais quoi faire. Moi, là, il y a une chose que... Je reproche à rien à personne, sauf que Noël, là, on s'entend-tu dans les... Autant à la télévision, à la radio, de un, c'est toujours les mêmes chansons. De deux, c'est tout le temps mélancolique. Là. Si tu files pas, là, sors ta boîte de Kleenex. Ouais. Fait qu'on va essayer... Je vais essayer de rendre ça plus vivant, plus intéressant. Là, je suis en train de structurer tout ça, mais je peux annoncer officiellement que je vais être là pour accompagner les gens le 24 au soir. Moi aussi, je suis... Non, mais ça l'est. Mais regarde, je reste pas à la maison, puis je m'occupe, m'en viens travailler. Tu vas divertir le monde et tu vas te divertir toi-même. Exactement. Bon. Exactement. Fait qu'il va y avoir plein de choses, et puis, vous suivrez C'est Fou 89.1 FM. Moi, il va y avoir une publicité à un moment donné. Ah oui? Ouais, ça va être spécial. J'ai hâte. Ben, j'ai hâte d'entendre ça. J'ai hâte. Ouais, c'est le 24 décembre au soir. Et voilà. Voilà. Fait qu'au lieu de vous brancher, moi, j'ai rien contre les autres stations, là, mais à chacun son créneau. Mais si vous aimez pas ça, le petit Papa Noël, le talisman, Guélon, là, Hein? Joël Denis, puis non, mais tu sais, c'est correct. Là, ben oui. J'en écoute, puis je trouve ça correct, mais pendant 8 heures de temps, là, t'as le goût de tuer ta radio à un moment donné. Fait que, on va nous, on a de l'excellente musique. Non, c'est pas qu'on a de la meilleure musique de Noël que les autres stations. C'est que, tu sais que notre mandat, c'est d'un petit peu d'agir en complémentarité des autres stations. Ben, c'est ça. Il y a plein de pièces. Hey, avec Alain Lefebvre, j'ai regardé ça cette semaine. Il y a au-dessus de 1200 pièces musicales, autant dans le jazz, classique, etc. Ouais, du rock, blues, du rock. Ouais, exemple. Et tous, ils ont une thématique de Noël. Fait que j'ai vraiment un gros tri à faire là, pour faire la sélection musicale, mais ça promet. Ça promet. C'est bien. Donc, si vous êtes une âme insolée, le 24 au soir, branchez-vous au 89.1 FM. Et si vous êtes en famille, mettons que vous êtes chanceux, vous êtes en famille ou peu importe, vous pouvez ben, quand même écouter, c'est fou. Tout le monde peut l'écouter en même temps. Ben oui. Soyez-y. Ben, tu sais, je veux pas faire de reproches, mais tabarouette que c'est toujours la même affaire au fait. Il y a tout le temps un artiste québécois, hein, il n'a pas sorti son disque de Noël. Là, je nommerai pas de nom là, parce que j'ai trop de respect pour... Marie-Chantal Toupin, etc., mettons. T'as trop de respect pour elle, mettons. Ben, admettons. Mettons, on dirait un nom au hasard. Admettons. Ouais. C'est pas original du tout, entre moi et toi, là. C'est les mêmes chansons chantées par l'artiste, puis on fait un petit peu des arrangements musicaux. Mm-hmm. Ben non, j'accroche pas, là. Ben, ça vend, ça, en plus, Mathieu. Ah, ça doit, j'en doute même pas. Ça vend au bout. Ouais. Moi, j'aime ça, des albums de Noël originaux. Mettons le Brian Setzer Orchestra qui fait un album de Noël. Ça, c'est le fun. Ben, pourquoi pas? Bon. Donc, écoutez, ça, c'est le 24 décembre de 20h le 24 à 2h du matin le 25. Oui, donc, absolument. On réveillonne. Ça, c'est pas vraiment le réveillon, par exemple. Comment ben ouais. Ben, tu vois, il n'y aura pas de dinde, rien. Là. Non? Ben, pas capable, la dinde, moi, Mathieu. Tu n'auras pas la dinde, quand non. même. Non, ben là, c'est dur à gérer. Ouais. Tu sais, moi, je suis rendu vieux, hein, c'est tellement fatigué, puis là, je fais attention à ma santé. Bon. À la place, on va acheter un Hungry Man avec de la dinde. Ils font ça. Hein. Ça ne va pas congeler. Tu mets ça au micro-ondes, tu as de la dinde avec de la farce à côté. C'est vrai. Je t'adore, Mathieu. Merci. Oh, ça va écouter un petit peu de musique. Qu'est-ce que tu en penses, Marc? Je suis entièrement d'accord. Marie-Chantal Toupin? Oui, c'est ça. Marie-Chautel Morphée, je pense, va être plus. Hôtel Morphée. Regarde par la fenêtre si tu as mal au cœur. Laisse gronder le moteur. Défiler les acteurs. Descends doucement la vitre. Prends un grand soupir. C'est pas ta fin du monde. Prends ton temps et respire. Encore. Je sais que t'es fatigué, que t'as assez volé. Que même les nuages reconnaissent ton visage. Ma main sale date blanc verse des larmes de béton. Je sais qu'il est trop tard pour aller jouer dehors. ces quelques fleurs, moi j'appellerai l'hôtel, je réserverai une suite. L'argent autour de moi, ça les aide à comprendre. Si je traîne avec un sac, c'est que je veux braquer la banque. C'est con, je peux te résumer à l'intérieur du corps. J'ai détruit la télé, ouais comme ça bang. Pas d'introduction, plus d'informations. Et c'est moi le roi sur terre. J'emplis des phrases et moi ça me rend fade. J'pars au Brésil, au modèle bikini. J'emplis des phrases et moi ça me rend fade. J'pars au Brésil, au modèle bikini. Tonton Klaxon de numéro à Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées. On a débuté avec Hôtel Morphée et leur pièce du palmarès francophone Danse sur les toits. Palmarès francophone qui est diffusé demain, jeudi, de 13h à 15h avec moi-même. Ben oui. Ben c'est le fun, hein? T'es tellement marketing que tu te branches toi-même. Si, je devrais pas faire ça, mais sinon, ben, pas le choix, si je le fais pas, qui va le faire? Ben, exactement. Bon. Marc Perrière, toujours de La Pilule du lendemain, qui lui aussi, plugons-le, lundi au jeudi de 7h à 9h. T'as une émission demain, la dernière de la semaine et la dernière de l'avant-dernière semaine. Exactement. Si on veut. Exactement. Et peut-être juste à dire, Mathieu, vite vite, qu'on est à retravailler le concept et le contenu de l'émission. Simon Fitzbé va remplacer Sylvain Blais à la co-animation. À partir du 4 janvier. À partir du 4 janvier. Donc, on va cogiter sur le contenu de l'émission. Mais on s'en va vers une tendance beaucoup plus culturelle. Je commençais à être en contact avec des petits organismes culturels du genre Ciné-Campus. Je veux faire des contacts avec l'Appart, l'Atelier Silec, etc. Parce qu'il y a une foule de choses que ces petits organismes culturels font, diffusent, puis qui est peu connu parce que, regarde, ils font avec les moyens du bord, mais c'est super intéressant. Un peu comme C'est fou, on fait avec les moyens du bord des fois aussi. Des fois, on n'a pas aussi autant de grosses, grosses campagnes, tu sais. On s'entend-tu qu'on a fait pendant de nombreuses années avec les moyens du bord? Tu m'amènes sur le terrain? Ben oui, justement. Regarde, faut dire aux auditeurs, Mathieu, que on n'est pas dans des années de faste, assez fou, mais on est beaucoup mieux avant sur le plan des finances. Mm-hmm. Donc, le redressement des finances, là, c'est sur la bonne voie. Il y a eu, son remonte dans le passé, en mars 2008. Les étudiants se sont prononcés en faveur d'augmenter la cotisation étudiante parce que 80% du budget de fonctionnement de C'est fou provient de la perception d'une cotisation étudiante à chaque session. Donc, à partir de ça, on s'est dit, on ne peut pas juste redresser les finances. Il faut faire quelque chose. Il faut offrir un produit. Il faut offrir quelque chose aux étudiants. On va avoir les moyens. Tu sais, tu parlais qu'on faisait avec des moyens limités, comme ces organismes-là. Mathieu, savais-tu que pendant les 5 dernières années, budget de publicité à C'est fou, il y avait combien? Non. Il y avait 0 $. OK. Fait que c'est difficile de faire connaître autrement que parce qu'on fait via les émissions notre produit. Cette année, il y a eu des émissions quotidiennes. Hein? Assemblage Requis est l'une d'entre elles. On en a 3 pour ceux qui viennent d'atterrir sur la planète C'est fou là, cet après-midi. Il y a maintenant 3 émissions quotidiennes du lundi au jeudi. On était capable, on est en mesure d'avoir un beau budget de publicité. Moi, je vais envoyer le chiffre. On est parti de 0 $ à 15 000 $. Quand même, hein? Et on a publicisé le tout. Actuellement, on est sondé. On aura les résultats au mois de décembre et on sera en mesure de les diffuser au mois de janvier. Donc, c'est toutes des choses qu'on faisait pas, mais qui sont, à mon sens, à moi, de base. Oui, qui sont nécessaires. C'est écoute. La moindre des choses, ça. Super intéressant, Mathieu. t'as des chroniqueurs, t'as d'excellents chroniqueurs dans ton émission, je suis quasiment jaloux. Mais merci, je te renvoie le compliment, hein, Sophie Laforêt, entre autres. Là. Sophie est trop hot. Ouais. Ben, je l'adore. Non, mais tu sais, les gens qui sont rigoureux, puis qui arrivent, puis qui te présentent quelque chose... Ouais, ils travaillent fort. Ben, ils travaillent fort, puis ils travaillent pas pour eux-mêmes, ils travaillent pour les auditeurs. Oui. Tu sais, c'est super le fun. C'est mon Fitzbé aussi. Ben oui. Pas piquer des verres. Ben, c'est sûr, mais moi aussi je l'ai, donc c'est pour ça que je te disais pas, c'est mon Fitzbé, mais il est partout, ce gars-là. Ben, t'as le volé. Ben ouais, mais il reste quand même, il va faire quand même sa chronique à l'Assemblage Rocky qui m'a dit. Qui m'a dit. Simon, il est partout. Il est né avec un micro, ce gars-là. C'est un être omniscient. Omnipotent et omniglotte. On en veut plus et on le remercie vraiment là, de l'intérêt qu'il manifeste pour ces 89 infos. Mathieu, juste conclure avec ce redressement des finances assez fou. Ça nous a permis d'offrir aux étudiants qui prennent en main, qui pilotent des émissions hebdomadaires, de les récompenser. On a 1 000 $ maintenant à chaque session à offrir en bourse, hein, à titre de reconnaissance. Si on compare dans le passé, on avait 500 $ à mettre par année. Maintenant, on en met 2 000. Et ben, y a 3 belles bourses et ça s'en vient. On va faire des heureux, Mathieu, la semaine prochaine. Annoncer à ceux qui pilotent des émissions, les étudiants et étudiantes, ben, que nous, on se réunit demain puis on va déterminer les gagnants. On aura l'honneur et le privilège d'aller faire certaines surprises dans certaines émissions. Je vais me faire un malin plaisir. Arrête, tu vas aller les surprendre dans leur émission? Ben, c'est du fun, ça. Hey, wow. Un cadeau. Donc, premier prix, 500 $, deuxième prix, 300 $, et troisième prix, 200 $. Et peut-être un prix reconnaissance et mérite, là, quelque chose. Là, parce que, en tout cas... Et... Il y a des bourses aussi, 2 000 $ par année, donc 1 000 $ par session, pour les chroniqueurs qui viennent... Dans les quotidiens. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Puis on détermine les gagnants demain aussi. Et on va les surprendre quand? Dans leur chronique? La semaine prochaine. Ah ben, Carlin. Hey! Je vais adorer ça. T'es comme Manuel Urtubis, tu manigances bien les choses. Compare-moi pas à Manuel Urtubis, seigneur, c'est bon. Ah là, je viens de prendre une méchante drop. Non, ben tu sais, je juge pas le monde, mais arrête. C'est ça. Somme toute, Mathieu, c'est un bilan positif. Très, très, très positif. Puis moi, je profite de l'occasion d'être présent ici à Assemblage Rocky. Il faut dire que je me suis invité un peu. J'ai pas refusé, mettons. Je suis le boss. Je suis peut-être mieux de dire oui. Non, pas rapport, pas du tout. On apprécie ta présence. Ben, tu sais très bien que j'ai une fonction de dirigeant, mais j'agis pas dans ce sens-là. Donc, OK. En tout cas, fais ça. Donc, Mathieu, je profite de cette occasion pour te remercier de ton intérêt, ton assiduité, ta rigueur. Kiwan, j'espère que t'écoutes, là, t'as mal dans le dos, j'espère que t'as pas mal dans les oreilles. Également, le remercier. Vous avez pris Assemblage Rocky vraiment à cœur. Vous vous êtes investi et la somme du travail que vous avez fait depuis le mois de septembre, si on est attentif un peu à tout ce que vous avez mis en place pour promouvoir, ne serait-ce que pour promouvoir votre show du retour, ben, écoute, c'est pas rien. Puis, prends le compliment. Ah. Non, mais c'est vrai, tu sais, souvent les gens, ah, c'est bon, on voudrait dire. Regarde, je vais te le dire, moi. Je pense que je peux parler au nom de bon nombre d'auditeurs. On est vraiment contents d'Assemblage Rocky. C'est super intéressant. C'est jamais identique d'une semaine à l'autre. C'est pas évident, hein? Non, non. De pas être redondant. Moi, je le fais le matin, puis... des fois, j'ai l'impression de me répéter. Puis, tu sais, la playlist, comme on dit, ouais. Là. Ah, tabarouette, c'est pas évident. Tu vas pas mettre toutes les mêmes chansons. On sait qu'on est différent un peu dans l'animation puis tout ça, mais on veut à chaque jour offrir quelque chose d'intéressant. Même si dans notre vie, des fois, où la journée, là, ça file pas, là, quand on est derrière le micro, là, ça paraît pas. C'est ça. Donc, merci beaucoup, Mathieu Plante. Ben, merci. Merci beaucoup, Monsieur Kiwan. Merci beaucoup, chroniqueur. Qui t'as? Sébastien Dulude, Émilie... Gauthier. Tu as... Ah, mon joueur déchu des Patriotes. Maxime Lemieux Laramé. Simon Fitzbé, bien sûr, oui. François Landry qui était là au début de la session. Ben oui, François Landry, merci. Ben là, il va être de retour à Assemblage Rocky la semaine prochaine pour une dernière fois. Il y a un baillon feuc là, dans la bouche, François, pour lui. Donc, merci à toutes ces personnes-là. Est-ce que les chroniqueurs à Mathieu, ils ont pris leur rôle au sérieux, hein? Oui. Ils arrivent tous préparés. Tout à fait. Super intéressant quand ils viennent. C'est vraiment une contribution positive. Ouais. Donc, merci à tous ces gens-là. Je vais faire un tour dans l'émission du Dîner de con pour Ouais, pitcher des fleurs, pas le pot. Ouais. Hein? Non, mais regarde, on a de quoi être fiers. Il faut souligner ça parce que si on le fait pas, il n'y a personne qui va le faire à notre place. En effet. On s'entend-tu que moi, le téléphone sonne dans mon bureau? C'est juste des plaintes. Là. Bon, ben c'est rare qu'on complimente, même dans notre vie de tous les jours. C'est rare qu'on dise des choses positives. C'est tout le temps le négatif qui sort, mais bon. Ben, c'est ça. Mais au nom de Kiwan et de moi-même, je vais quand même te remercier de l'opportunité de nous avoir confié cette émission-là. On est très, très, très heureux, nous aussi. Vous avez mon entière confiance. Jusqu'à preuve du contraire. Ouais, faudrait non, pas. Non. Non, je sais que, écoutez, vous faites un bon produit puis vous vous forcez pour toujours être intéressant. Puis c'est pas pour vous, c'est pas du self-esteem, vous le faites pour les auditeurs. Voilà. Et, merci beaucoup. Ah, vous êtes des vrais serviteurs, les gars. Ah, merci, quand même, c'est gênant. Ouais, ben oui. Et félicitations pour votre beau programme, vous aussi. Je te laisse enchaîner en musique, mon cher. On va faire ça un petit peu parce que Sébastien Dulude s'en vient tantôt pour parler de sorties culturelles alternatives. Donc. Oui. On doit passer un petit peu en musique pour ça, pour faire une petite transition merveilleuse. Vous allez voir, on s'en va entendre un petit peu de musique électronique. Voici la version avec paroles featuring Freeway. C'est la formation... en fait, c'est la formation qui fait la pièce 1000 Cigarettes. Tout de suite, Colin, ça m'échappe. Juste parce que tu m'as complimenté puis ça m'a tellement gêné. J'ai même pas d'allure. Arrête. Yeah, Mathieu, je juste à dire merci. Merci. Mastercraft, tout de suite. Let me show you how I kick it when I'm at home. Two bitches, 10 bitches in the bathroom. And they naked and they taking naked flicks. When they finish, they gon' hang up naked bitches in the bathroom. So I can see where I'm taking a shit. And I can see where I'm taking a piss. And you can see why you taking a shit. And you can see why you taking a piss. Me and my fo-fo taking a trip. To the hood where it's cold out. Where we go at, when we go out. Don't hold out. You gon' make me have to pull a fo-fo out. You gon' call up the detectives in the whole nine. Yeah, motherfuckers try to take my brains. Get blown out, bodies get laid out. Bitches get pulled out, ambulance get caught up. Yeah. Detectives on me, I would detect in your mouth. You shouldn't let Rockefeller and Mastercraft in your house. You can take it from me, no motherfucker so wild. And I get a free back to rhythm, hit them without a good one. You see why I keep on going, better. I'm 10 steps ahead of them, I might wanna get in them. You see why I keep on going, whenever I touch off, be better than you and any rapper. You see why I keep on going, get cheddar, go getter, go bella, rock forever, forever, forever. We'll be right back. Patrick et les Brutes et la pièce Chez Candy, c'est sur le palmarès francophone de C'est fou. Vous êtes à Assemblage Requis, émission du retour en pièces détachées. Maintenant, c'est l'heure de la chronique sur les sorties culturelles alternatives. Voici Sébastien Dulude et Va voir ailleurs si j'y suis. Salut Sébastien. Salut Mathieu, comment ça va? Ça va très bien toi? Oui, ça va bien. La neige te va à merveille? Ben, fond, hein, quand on rentre à l'intérieur. Voilà. Mais c'est beau l'intérieur, mais il faut sortir malgré tout. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Là, c'est l'avant-dernière chronique de la session de l'année 2009 à l'émission. La semaine prochaine, je ne sais pas si tu en as parlé un peu. Pas encore, c'est vrai. Ça va être mardi, toute l'équipe ensemble dans la même émission. Voilà, donc moi, je conclurai là, peut-être pour les activités des fêtes ou quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, on essaie de voir bon, qu'est-ce qu'il y a comme spectacle. Plutôt à Trois-Rivières, essayons de rester là, parce que souvent dans le temps des fêtes, on s'étiole, on sort un peu à l'extérieur, là, si on vient de l'extérieur. Et c'est le retour en décembre du jazz à Trois-Rivières. Oui, aux Zénobles. En fait, c'était aux Zénobles. Et là, François Boutin et sa troupe, qui était le responsable du jazz, c'est aussi un trompettiste émérite, avait décidé de localiser son jazz ailleurs. Il y a eu, là, je pense que je peux en parler un peu publiquement, parce que ça a été dit publiquement, il y a eu une brouille, une mésentente entre les deux. Et il a fait le tour du terrain et a choisi finalement le Charlot pour recontinuer ses événements hebdomadaires de jazz au centre-ville de Trois-Rivières. On va lui souhaiter bonne chance parce que le Charlot, c'est un endroit qui a un nouveau dynamisme et tout, beaucoup axé quand même sur le gros fun, je pense, plutôt que... bon, il y a certaines activités qui ont changé là, depuis le temps. Donc, ça reste un bar vraiment pour aller jaser, aller triper, aller faire le party. On verra si la clientèle jazz va se rendre au Charlot, va être rejoignable. Ça commence le 16, donc c'est la semaine prochaine, j'en parle tout de suite. Et il y en aura donc comme ça à toutes les semaines, donc également le 23. Je ne suis pas certain, le 30 décembre qu'il y en aura. C'est quand même le 30 décembre, mais c'est pas impossible. Mais disons, aux certains confirmés, le 16 et le 23, donc ça, c'est au Charlot, sur la rue Notre-Dame-Centre. En même temps, aux Zénobes, le jazz repart également, mais d'une autre souche, une autre branche. Donc, dans le réseau du Zénobes, il y a beaucoup de musiciens. On espère que c'est un autre jour que le mercredi, par contre. Ben, c'est le Zénobes qui avait instauré ces mercredis-là. Donc il le garde. Oh, donc compétition dans le jazz à Trois-Rivières. Alors, ça devient curieux. Là, les publics vont être partagés. Ça va être, de un, si on veut voir François Boutin, ça va, c'est au Charlot. Oui, parce que là, c'est fan dans le domaine du jazz. Absolument, absolument. Et puis, le Zénobes reprennent une formule aux deux semaines. Là, c'était supposé être ce soir que ça repartait avec Alex McMahon et Mathieu Desi. Ça avait été annulé il y a quoi, une semaine, deux semaines. Il était supposé se produire, ça a été annulé. Et là, aujourd'hui, annulation également en raison de la tempête de neige. Puis ce sont des musiciens de Montréal qui ont à venir, donc on a préféré annuler. Donc, il n'y a pas de jazz ce soir au Zénobes. Et c'est peut-être François Boutin qui respire. À ce moment-là, ça lui donne l'occasion de partir le 1er en décembre, la semaine prochaine. C'est vrai. Ça. Et aux Zénobes, par contre, on annonce un grand party de Noël jazz le 23 décembre, donc le mercredi en même temps qu'il y aura du jazz au Charlot, un 23 décembre. Ben oui, évident. Le public en délire là, va devoir choisir entre les deux. Et le party jazz, le party de Noël plutôt du Zénobes a toujours un excellent succès. Bon, chaque bar a sa clientèle et là, le spectacle jazz est assuré par une des employées, Mélissa Brouillette et ses musiciens, qui a du très bon jazz vocal. Et ça sera donc le 23 décembre. L'entrée, 5 $. Et toujours autour de 21 h, vous contactez le Zénobes pour plus de renseignements. Également, le deuxième spectacle de la série Feu de forêt dans le désert, ça a lieu la semaine prochaine également, le 18, un vendredi. Et parmi les groupes, on pourra entendre un extrait tout de suite de Château, un groupe shawinigané. Tout de suite. La pièce maintenant. Tiger. cage is singing on a man's street. Formation Château de Shawinigan et de Montréal. Ils sont quatre, parfois trois. Ils seront trois pour le prochain spectacle. Donc, c'est vendredi de la semaine prochaine, le 18 décembre, à l'Appart. Le deuxième spectacle de la série Feu de forêt dans le désert, qui est une initiative qui vise à découvrir des groupes à forte saveur musicale. Donc, vraiment des musiques de recherche, souvent des musiques planantes, post-rock, dans ce genre-là, psychédélique aussi. C'est le cas un peu de Château, là, qui a un pop avec une bonne dose de reverb. Il y a également la formation de Sudbury, Ontario, M. Lemon. Donc, M majuscule Lemon, comme un citron. Vraiment pas facile, le MySpace, mais si vous faites M. Lemon dans Google, puis vous ajoutez MySpace à côté, c'est certain que ça sort en premier. Et le troisième groupe qui sera là, c'est Mathieu, Robin et David, dont on n'a pas plus d'informations que c'est de la musique folk enivrante et inspirée. Donc, pour tout ça, pour les usagers Facebook, vous pouvez toujours aller chercher à partir de ça. Vous savez comment ça fonctionne. Et les liens vont être sur le site aussi. Là. Et les liens vont être à partir de là, tout à fait, pour les MySpace. Et généralement, c'est à jour, mais pas toujours. Par exemple, il est supposé y avoir un spectacle demain au Nord-Ouest d'Amélie Gagnon et Danny Placard. Le MySpace d'Amélie Gagnon n'est pas à jour. On ne mentionne pas ce spectacle-là au Nord-Ouest, donc c'est difficile d'en parler. Et ça me fait penser à ce que j'ai lu pas plus tard que tantôt, où Kevin Laforêt dut voir dans son billet Pop Culture Mauricie, parlait, un retour sur le spectacle de Cœur de Pirate, où il y avait un grand public qui était au rendez-vous, notamment du public jeune. Et bon, on questionne l'histoire des publics à Trois-Rivières pour les spectacles qui sont souvent pas nombreux. Et en même temps, bon, il remarque très justement d'ailleurs que pour des spectacles très adultes, là, 40 ans et plus, il n'y a pas de problème pour la vente des billets. Pour les jeunes, plutôt adolescents, ça fonctionne bien aussi. Mais entre les publics de 25-35 ans, les moins étudiants, au rendez-vous, même. Les étudiants. Moins d'argent peut-être, je sais pas. Mais c'est une excellente observation de les cibler, de voir et de constater à quel point ils sont pas présents dans ces shows-là. Il y a une raison que tu dis, oui, l'argent. En même temps, beaucoup de spectacles gratuits à Trois-Rivières, c'est beaucoup vrai. De spectacles à 5$. Le temps, peut-être aussi, peut-être qu'ils étudient, peut-être qu'ils préfèrent se saouler ou regarder des films à la place d'aller voir des spectacles. Hein. Ben, il y a certainement ça, mais je peux pas croire qu'il n'y a pas non plus des mélomanes. Il y a, entre autres, un problème de diffusion de l'information. À Trois-Rivières, il devrait y avoir des sites qui regroupent tout. Donc, à part le voir sur le calendrier, qu'il faut regarder jour par jour qu'est-ce qu'il y a à faire. Trois-Rivières+.net, c'est du mainstream. Il n'y a rien là-dessus. Ça, c'est la Maison de la culture, c'est Ciné Campus, c'est toujours les mêmes organismes. Si tu veux savoir que Marie-Chantal Toupin joue la semaine prochaine, oui, parfait, c'est là. Noël, c'est l'amour. Mais c'est son spectacle, mais il y a on est parti rien sur là-dessus. C'est du bashing de Marie-Chantal Toupin, l'émission aujourd'hui. Ah, tiens. Marc aussi en parlait contre. Mais il n'y a rien sur ce site-là de pas facile, de pas déjà évident, là, c'est tout, si c'est pas des pubs télévisés déjà ou sur les autobus, là. Donc, si on a besoin de savoir ce qui se passe au Nord-Ouest, au Charlot, aux Énobles, il y a pas que les bars non plus, il y a d'autres endroits de spectacle qui ouvrent, il y en a qui ferment aussi. Ouais. Mais Kevin Laforêt, du voir, faisait aussi remarquer qu'il y avait eu une débâcle de spectacles annulés dans les derniers jours, semaines. Donc, manque d'informations peut-être, manque de centralisation d'informations. Ouais. Faut chercher, faut aller sur Facebook puis être ami avec tout le monde pour réussir à savoir beaucoup, qu'il y a des spectacles. Beaucoup. Faut se tenir au courant par ces groupes-là. Et là, il faut lire aussi les mises à jour qu'on reçoit de ces pages-là. Oui. Puis à un moment donné, on reçoit toutes sortes d'affaires, on est moins réceptif. On voit peut-être moins la différence d'une chose par rapport à une autre. Donc, ça, c'est certainement un problème. Je tenais à le noter et à saluer Kevin pour son analyse vraiment pertinente de son... consommateur de spectacles avisé à Trois-Rivières. Pas mal toujours pertinent. Absolument. Et dernier truc à faire cette semaine, c'est vendredi, également à l'appart, vendredi le 11 décembre dès 20h. Spectacle et vernissage au bénéfice du Noël du pauvre. Donc, il y aura des œuvres d'art visuel qui seront à vendre à l'encan. La moitié des profits iront au Noël du pauvre. L'autre moitié pour les deux artistes, à savoir Anne-Marie Gagnon et Virginie Arsenault. Et on a un spectacle musical de Carl Hébert, donc chanteur des Mimi Van Der Glo, mais en solo. Seul. Donc, c'est les Mini Van Der Glo. C'est très intelligent comme jeu de mots, moi j'aime ça. Oui, absolument. C'est mon genre. Et pour encourager la clientèle de l'appart d'arriver plus tôt, une clientèle même de pas habituée à l'appart d'arriver avant les spectacles, il y a 2 pour 1 sur la bière dans l'heure précédant les spectacles. Donc, dans ce cas-ci, à partir de 20h à 21h, 2 pour 1 sur la bière vendredi à l'appart. Et bon, toujours un peu ça le concept, arriver tôt et économiser sur vos consommations. Alors, ça fait le tour pour cette semaine et même un peu la semaine prochaine. On se reparlera donc mardi prochain. Tout à fait. On va en reparler en détail tantôt parce qu'on va faire une semaine d'émissions thématiques la semaine prochaine. Mais entre autres, mardi, comme tu dis, tous les chroniqueurs d'Assemblage requis de la session d'automne vont être ensemble en studio et on va interagir avec les chroniques des autres. Donc, dans ta chronique, il y aura quelqu'un d'autre qui va faire un commentaire. Puis là, tu vas pouvoir répondre à ça. Ça va être malade. Ça va être pique à la guerre des clans. Ça va être fou. Malade. Pique la guerre des clans. Ouais. Ben, meilleur. On pourra pas y aller avec la famille. Non. On est comme une famille. C'est comme une deuxième famille pour toi, pour moi. Sébastien Dulude, avec ta chronique Va voir ailleurs si j'y suis. J'essaie tout le temps de le dire trop vite, hein, sérieux. C'est vraiment gossant. Va voir ailleurs si j'y suis. Ouais, mais c'est peut-être un signe que c'est pas facile à dire. Non, c'est peut-être un signe que mon cerveau va plus vite que ma bouche. En te remerciant. Je te remercie aussi. Je te renvoie le compliment. Tel un ping-pong. Ouais. Ou un... C'est quoi un Bill Bucket? Un Bill Bucket? Mais ça se renvoie pas vraiment. C'est plus du solo, un Bill Bucket. Ça fait un drôle de mouvement. Bon. Bref. Allons-y pour le pongisme. C'est ça. C'est toujours Assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées. Si vous étiez avec nous plus tôt aujourd'hui dans les palmarès CFO, on a entendu une nouvelle pièce de Jet, She's a Genius. Ça me tente de la réentendre. Ça commence à faire longtemps et je veux m'habituer à l'entendre. Jet, She's a Genius, Assemblage requis. Non, je me trompe beaucoup aujourd'hui. Ah. C'est ça. Et on va parler encore un peu. Allez voir sur assemblagerequis.com pour avoir tous les liens de ce que Sébastien a mentionné. Et en plus, pour télécharger la balade aux diffusions et faire plein de choses, là, on devrait mettre des jeux là-dessus même, je sais pas. Ah. Les jeux genre, je sais pas. Hein. Mettez les mots dans la bouche de Mathieu, t'aurais comme un Mathieu. Tu ferais comme draguer les mots dedans, ce serait malade. Un jour. Les amis au Pakistan avec le fleur de ma journée, c'est sur le palmarès francophone de Cifou. Je vous rappelle une dernière fois que les palmarès francophones seront diffusés demain, jeudi, entre 13h et 15h. Et nous, c'est pas mal la fin d'Assemblage requis pour aujourd'hui. Il s'en est passé des choses, mais avant de terminer, je veux vous rappeler que le référendum sur l'affiliation de la GEQTR à la FEUC se termine demain. Donc, ça a lieu jusqu'au 10 décembre, c'est bien demain, sur le campus de QTR, afin que les étudiants se positionnent pour ou contre le renouvellement de l'adhésion de leur association étudiante, la GE, à la Fédération étudiante universitaire du Québec, la FEUC. Les étudiants peuvent participer dans la campagne référendaire jusqu'à demain. Allez convaincre vos amis de voter pour le côté qui vous intéresse. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, l'InfoCampus va vous renseigner tout à l'heure. Voilà, donc on se termine ça ici. Je remercie tout le monde qui a participé à l'émission. Évidemment, Marc Périard de la Pilule du lendemain qui va être de retour demain entre 7h et 9h à son émission. Ici même sur C'est fou, mais on le remercie d'être passé par Assemblage requis. Sébastien Dulude était là avec sa chronique « Va voir ailleurs si j'y suis ». On le remercie, bien évidemment. Et puis Kiwan, qui était là par téléphone, on le remercie aussi. On a hâte de le revoir. Pour l'instant, il fait son rétablissement très, très prompt à la maison. Alors voilà. Sur les ondes de C'est fou, aujourd'hui, restez là parce qu'il se passe plein d'affaires sur votre radio campus de Trois-Rivières. Avec des R comme ça, c'est très, très joli. À 18h, c'est l'émission « En attendant ». C'est de la musique instrumentale éclectique. Ensuite, il y a du rap. Soyez là, donc pour écouter ça, ici sur les ondes de C'est fou. Et puis Pistéa terminera ça avec de la musique électronique à partir de 23h. Je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve demain à 15h avec entre autres Maxime Le Mularamé et ses découvertes musicales. Bye bye. On se quitte. Ah, on se quitte avec Marie-Pierre Arthur et elle. Allez! Là, puis j'essaie de mettre comme 15 affaires dans ma conclusion. Là, j'en rajoute, puis j'en remets d'autres. On finit par se comprendre. Hey, allez voir assemblagerequis.com pour la balado-diffusion et les liens de l'émission d'aujourd'hui. Plus libre qu'un ange. Marie-Pierre Arthur et la pièce Elle sur les ondes du 89 FM, c'est fou. Hein, en passant, si vous cherchez une idée cadeau, comme ça, vous cherchez des cadeaux pour Noël, ça arrive des fois, on a besoin d'offrir un cadeau original. Eh bien, il y a des séances portraits sur rendez-vous qui vont avoir lieu au Carrefour Trois-Rivières-Ouest les 19 et 20 décembre prochains. Notez bien ça, 19 et 20 décembre. C'est avec Stéphane Milhomme, très bonne personne. Vous pouvez l'acheter sur Facebook. Il va vous donner plein d'informations. Il y a le dépliant, des exemples de photos, etc. là-dessus. Ça coûte 75 $ pour 30 minutes et 130 $ pour 60 minutes. Et il vous fournit un CD avec toutes les images. C'est gratuit. C'est génial. Hein? Il fait des photos noir et blanc et couleur pour des groupes. Par exemple, vos amis, vos collègues de travail, votre famille, un couple, personne seule, enfant, n'importe quoi. Ça se fait. C'est un photographe d'expérience. Il est nouveau dans la région et il travaille toujours à Montréal à faire différentes campagnes publicitaires ainsi qu'il collabore régulièrement avec le magazine Clin d'œil. Il a pris des photos de plein d'artistes. Guylaine Tremblay, Marc Messier, Marc-André Grondin, plein de gens comme ça. Donc, si vous demandez quoi offrir à vos proches pour Noël, vous aimeriez avoir des photos professionnelles de vous peut-être. Pourquoi pas faire un petit portfolio pour montrer ça à des gens? C'est super. C'est Stéphane Milhomme. Allez voir son site web au www.stéphanemilhomme.com. www.stéphanemilhomme.com. Milhomme, c'est M-I-L et puis le mot homme. Hein? Milhomme.com. Sinon, ajoutez-le sur Facebook. Il est là pour vous servir. Il va être, encore une fois, je le rappelle, au Carrefour Trois-Rivières-Ouest les 19 et 20 décembre prochains. Voilà. Donc, tout de suite, l'Infocampus. Après ça, c'est la sécheuse sur les ondes de C'est fou. Restez avec nous.